me fuis pas à pas. Une simple rupture, une chaîne qui se brise. Une belle aventure, quoi qu'on en dise. Un bout de sortilège, une potion sans goût. Pas que je m'emporte, que je reste honnête. Juste un sourire, une mise à distance. Pas trop sourire, c'est ma dernière chance. Elle court, oui mais pourquoi? Elle ne vient jamais, jamais vers moi. Laisse-moi en liberté, mais pas trop en captivité. Elle court.